épargner, se loger, garder la santé, rester zen au milieu de tous ces gens. Mon médecin me l'a dit, monsieur, faut se reposer. Et voilà pour changer, moi j'ai besoin d'argent. Allez, ce soir je sors encore très tard, je veux m'amuser. Ce soir défie le hasard pour te rencontrer. Bien, la batterie.